J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Petit Journal, 2 octobre 1923. Georges Carpentier abat Joe Beckett en 48 secondes. Londres, 1er octobre. Dans l'immense hall de l'Olympia, rempli d'une foule dans laquelle sont représentées toutes les classes, Georges Carpentier vient à nouveau de triompher de Joe Beckett, le champion poids lourd de Grande-Bretagne. En 1919, le 4 décembre, au Holborn Stadium, le Français avait mis exactement 1 minute 14 secondes pour abattre le même adversaire. Et cette performance n'avait de comparable dans les annales pugilistiques que celle accomplie par le même Georges Carpentier le 8 décembre 1913, date à laquelle il triompha de Bombardier Wells en 1 minute 13 secondes. Ces deux records furent battus ce soir et d'assez loin. C'est en effet au bout de 48 secondes seulement que se termina la lutte, si tant est que l'on puisse dire qu'il y a eu lutte, dans un match qui dura juste le temps de placer le coup qui donne la victoire. Que l'on retire en effet les 10 secondes fatidiques égrenées par l'arbitre, et il reste 38 secondes. Quoi qu'en pensent certains, une victoire aussi concluante aura sa répercussion outre-Manche et même en France. Il n'est point excessif de dire que Georges Carpentier, celui que l'on appela autrefois notre Georges National, est toujours le porte-drapeau du pugilisme français. L'homme a reconquis ce soir auprès du public britannique son prestige d'antan. Je vous ai dit plus haut que la salle était archi-comble. Vous n'aurez une idée que quand je vous aurai donné le chiffre de la recette. Celle-ci fut de 30 000 livres, ce qui, au cours du change, représente 2 220 000 francs. Et là aussi, tous les records européens pour une réunion sportive furent battus, et d'assez loin. Les matchs qui précèdent la grande rencontre laissent le public assez froid. Les minutes s'écoulent, et à 22 heures, Joe Beckett fait son apparition. La foule l'acclame et ovationne également Georges Carpentier, qui arrive immédiatement après. On procède aux opérations préliminaires, choix des gants, pose des bandelettes, et les deux adversaires attendent très calmes le signal. Le coup de gong retentit 10 minutes après que les boxeurs sont entrés sur le ring. Un silence impressionnant règne à ce moment dans la salle. Le timbre finit à peine de résonner que Carpentier s'élance sur la pointe des pieds et décoche à son adversaire un coup du gauche qui ne semble pas affecter Beckett. Après ce premier contact, les deux hommes se remettent en garde. Carpentier part avec la rapidité de l'éclair, fait une feinte du gauche et le fameux crochet du droit se déclenche. Avec une précision extraordinaire, le coup arrive à la pointe du menton du boxeur britannique qui fléchit sur ses jambes. Avant que Joe Beckett soit revenu de sa stupeur, le droit de Carpentier est revenu. À la même vitesse, toujours à la pointe du menton. Et cette fois, le champion britannique mesure le canevas. L'arbitre égrène les secondes. Le corps de Beckett est agité par des soubresauts, mais l'Anglais trouvera cependant la force de se remettre sur ses jambes avant le compte fatal. On sent à ce moment que le match ne peut plus aller loin. Car lorsque Joe Beckett se remet en garde, il semble avoir perdu la notion des choses. Le droit de Carpentier part une troisième fois, et ce sera la bonne. Car le boxeur britannique s'écroule sur le dos, près des cordes. S'accrochant à celle-ci, Beckett fait des efforts désespérés pour se relever, tandis que l'arbitre recommence à compter. Il n'est pas douteux que le champion anglais ait knock-out. Mais pour éviter cette décision, les soigneurs, sentant qu'il n'y avait plus aucun espoir, jettent l'éponge, annonçant ainsi que leur homme abandonne. Mais l'arbitre ne l'entend pas ainsi. Il continue à compter et déclare, après les 10 secondes écoulées, Carpentier, vainqueur, par knock-out. La victoire du Français est accueillie par une ovation formidable. Toute la salle est debout et les spectateurs enthousiastes sautent sur le ring et hissent le Frenchman sur leurs épaules.